Chers amis de CLA TV, récemment j'ai lu cet article. Un politicien danois exige un procès de Nuremberg pour les responsables de la pandémie du Covid-19. Mats Pasvig est un ancien banquier danois et un homme politique du jeune parti JFK21. Il a envoyé une déclaration du Nouvel An suggérant un nouveau processus de Nuremberg pour la recherche de la vérité et la réconciliation. La déclaration a été envoyée à 1600 journalistes, à tous les membres du Parlement danois, au personnel du ministère américain de la Santé CDC et à d'autres décideurs de la police danoise, ainsi qu'à des diplomates et politiciens étrangers. Pasvig ne veut pas de la peine de mort pour ces criminels. Mais il dit en substance, nous avons besoin d'un Nuremberg. Même maintenant, où pour se soustraire à la justice, ils lèvent les restrictions et prétendent que les vaccins ont été utiles. Mats Pasvig avertit qu'il ne faut pas se réjouir trop vite de la levée des mesures en considérant cela comme une victoire. Il craint bien plus que les opposants aux libertés se groupent à nouveau pour lancer une nouvelle attaque contre le peuple. Il invoque avec insistance le maintien de la pression par des actions quotidiennes. C'est la seule façon de mettre à genoux le système mondial de banksters qui finance des États entiers. Les efforts de divulgation doivent être coordonnés à l'échelle mondiale. Pasvig va encore plus loin. Il demande l'inculpation, le procès et la condamnation de toutes les personnes impliquées dans l'imposition de ces mesures, de toutes les personnes qui continuent à promouvoir activement les expériences de vaccination, les tests et les masques obligatoires, les restrictions des libertés individuelles et qui font pression sur les personnes non vaccinées. Donc, tous ceux qui ont participé à ces crimes contre la dignité humaine doivent être tenus pour responsables. Il s'agit des politiciens, mais les responsables administratifs, les autorités sanitaires, les établissements d'enseignement, la justice, les journalistes et les responsables des médias sont également concernés. Et tous ceux qui exigent des certificats de vaccination, ou ceux qui harcèlent ou discriminent les concitoyens non vaccinés, non testés ou sans masque. Pasvig met au défi toutes les personnes concernées de se rendre disponibles à titre de témoins principaux contre les puissances qui se cachent derrière cette conspiration mondiale. Il propose d'accorder l'impunité ou l'amnistie aux personnes qui ont été contraintes d'agir parce que du matériel compromettant leur existence avait été utilisé contre elles. Pour le politicien d'opposition danois, il ne fait aucun doute que de nombreuses personnes impliquées dans les crimes du Covid ont elles-mêmes été victimes d'extorsions de toutes sortes. Ces personnes doivent désigner à une commission les personnes qui se cachent derrière ces événements et rapporter ce qui a été discuté et décidé à huis clos lors des réunions Bilderberg, du Forum économique mondial, de l'Agenda 21, du Rockefeller Lockstep, de l'IDÉE 2020 et d'autres réunions conspiratrices de groupes non élus. Conclusion de Mats Pasvig. Seul un procès de Nuremberg qui dévoile les commanditaires et les interdépendances internationales de cette affaire criminelle à grande échelle et qui demande des comptes à tous les responsables dans le monde conduirait à un monde plus juste. Les émissions CLA TV suivantes sont également recommandées à ce sujet. Mesure Covid, plainte pénale pour génocide déposée à La Haye. Escroquerie Covid, 80 raisons de se faire rembourser. Commission Covid annonce une procédure judiciaire mondiale. La phrase finale de Mats Pasvig est encourageante. Je sens au fond de mon cœur que nous allons gagner cette guerre. C'est la dernière bataille pour l'humanité. Et cette fois-ci, les forces du bien l'emporteront.